Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons maintenant faire une incursion dans le milieu de la construction pour parler de béton, mais pas de n'importe quel béton, un béton qui contient du lin. C'est Valérie qui va nous dire ce que vient faire le lin dans le béton. Bonjour Valérie. Bonjour François. C'est effectivement un peu surprenant, mais avant de révéler ce que vient faire le lin dans le béton, je vais commencer par quelques mots généraux sur le béton. Donc le béton, en gros, c'est des granulats, c'est-à-dire du gravier et du ciment. Et le ciment, en gros, c'est un mélange de calcaire, d'argile et d'eau. Le béton, c'est aussi l'un des matériaux de construction les plus utilisés sur Terre. Et c'est aussi un matériau dont la fabrication rejette énormément de GES. La fabrication d'une tonne de ciment envoie près d'une tonne de CO2 dans l'atmosphère. C'est énorme parce que ça émet son propre poids de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est vraiment impressionnant. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il y a des études pour réduire les émissions de GES produites par l'utilisation du ciment ou du béton. Et l'une des pistes de solution, c'est de mettre du lin dans le béton. Alors, je vais parler de deux projets de recherche, un qui est mené à l'Université de Sherbrooke et l'autre mené en Normandie, en France. Et pourquoi le Québec et la France s'intéressent au lin? Ben, il faut savoir que le Canada, c'est le premier producteur de lin au monde. Et figure-toi, François, que la France est le premier producteur de lin au monde. Je ne comprends pas. Comment le Canada et la France peuvent être tous les deux être les premiers producteurs de lin? Est-ce qu'ils en produisent en quantité égale? Ouais, c'est un peu bizarre, hein? Mais quand on regarde en fait plus attentivement ce qu'ils produisent, on s'aperçoit que le Canada produit du lin pour la graine, donc est le premier producteur de graines de lin au monde. Et la France produit du lin pour la fibre textile, mm-hmm, et est le premier producteur de lin textile au monde. Et en fait, cette différence a une incidence sur la nature des projets de recherche menés sur le béton-lin. Je t'avoue que c'est une chose que j'ignorais complètement. Mais où se fait cette culture si abondante dans notre pays? Alors, au Canada, là, c'est principalement dans l'Ouest et il y en a un peu plus, un petit peu dans le Bas-Saint-Laurent également. Mais c'est beaucoup plus anecdotique par rapport à l'Ouest. D'accord. Alors, revenons au projet de recherche. Commençons par le projet de Sherbrooke. Mm-hmm. Donc, le département de génie civil à l'Université de Sherbrooke fait des choses assez surprenantes sur le béton. Comme par exemple, j'ai appris qu'il faisait aussi du béton auto-cicatrisant. Uh-huh. C'est très intriguant. Ouais. Du béton avec de la poudre de verre, différentes choses, et notamment du béton avec du lin. Donc, dans le cas du lin, c'est Mathieu Robert, qui est professeur dans ce département, qui m'en a parlé. Et l'idée, c'est d'ajouter du lin dans le mélange des bétons haute performance. Donc, la fabrication des bétons haute performance ne génère pas forcément moins de GES qu'un béton normal, mais ils sont plus résistants. Donc, pour faire une structure, on en utilise moins que du béton normal. Donc, la construction de la structure en elle-même va rejeter moins de CO2 que si elle avait été faite avec du béton normal. Effectivement. Mais il y a un petit problème avec ces bétons haute performance, c'est que dans le mélange, on met moins d'eau. Et donc, il a tendance à fissurer pendant le durcissement dans les zones où il manque un petit peu d'eau. Donc, c'est important d'avoir un mélange homogène avec de l'eau qui soit bien répartie. Et une des solutions pour ça, c'est d'utiliser des agrégats poreux remplis d'eau qu'on distribue également dans le mélange. Et là, la réaction formation du béton va tirer son lot dont elle a besoin dans des agrégats. Mais on peut aussi utiliser du lin. Alors, si je comprends bien, à la place des agrégats, on met du lin. Voilà, c'est ça. Donc là, le lin va servir vraiment à la phase initiale, à la fabrication du béton, au moment de le durcissement du béton. Et donc, en fait, le lin, il est hydrophile, il aime l'eau, comme les plantes. Mm-hmm. Donc, on prend des tiges de lin, on en extirpe les fibres, on les gorge d'eau et on les répartit uniformément dans le mélange. La réaction du béton va tirer l'eau dont elle a besoin des fibres de lin. Et l'avantage, c'est que ces fibres de lin jouent aussi un rôle de renfort. Mais elles ne remplacent pas l'armature d'acier du béton. Ça, ce n'est pas le but de la recherche. Et pour le moment, les tests de résistance, qui sont faits au laboratoire, ils font aussi des tests de mise en œuvre pour vérifier, parce que le béton, pour être utilisé, il faut qu'il ait la bonne viscosité. S'il est trop visqueux, uh-huh, ou s'il est trop liquide, ça se met mal en œuvre. Ça, c'est difficile à utiliser, à couler. Et le laboratoire s'apprête aussi à passer à l'étape de projet pilote pour faire aussi des tests de vieillissement accéléré pour voir comment se comporte le béton à long terme. Parce qu'on ne peut pas attendre 10 ans pour construire un mur, un morceau de mur, on ne peut pas attendre 10 ans pour faire, pour voir comment ça s'est dégradé ou pas. C'est ça. Comporte. Donc on fait des tests de vieillissement accéléré pour avoir les réponses avant. OK, alors ça c'est le projet de Sherbrooke. Et maintenant, que font les Français, eux, de leur côté? Alors, la Normandie, elle produit beaucoup de lin et elle est équipée pour extraire une fibre relativement purifiée, prête pour le tissage. Donc là, on fait vraiment des bobines de fil, alors que le lin qui est utilisé à Sherbrooke, c'est du lin quand même, c'est de la fibre beaucoup plus brute. C'est ça, de la fibre pure, là, c'est ça. Ouais, donc là, en Normandie, ils ont du fil de lin. Il se trouve que ce fil de lin était majoritairement exporté en Chine. Seulement, les Chinois ont décidé de moins importer, de moins acheter de fibres de lin à la France. Et donc, la Normandie se retrouve avec une capacité de production de lin et aussi une capacité de filature de lin dont elle ne sait pas quoi faire. Alors, il s'est formé un partenariat de recherche avec des centres de recherche, un producteur de lin, en fait un filateur de lin, et CMEG, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication du béton préfabriqué et qui faisait aussi déjà des bétons fibrés avec de la fibre de verre. Et le tout est soutenu par des fonds publics français et européens. Et donc, l'objectif, c'est de renforcer le béton, de produire du béton renforcé en partie par des fibres de lin. Alors, on connaît le béton armé avec les barres d'acier, mais il y a aussi donc ces bâtons fibrés avec des fibres de verre ou des fibres métalliques, parfois, ou des fibres composites, qui sont réparties un petit peu partout dans le béton, ce qui donne une résistance homogène au béton. Et donc, l'idée, là, c'est il y a des recherches pour remplacer ces fibres composites par des fibres de lin. Et là, c'est Mathieu Dufeu, qui est responsable du projet chez CMEG, qui m'en a parlé. Alors, eux, ils mettent les fibres textiles dans le mélange avec les agrégats, le ciment et l'eau. Voilà, c'est bien ça. Et donc, eux, leur problème, c'était de trouver la bonne taille de fibres de lin, la bonne quantité, la façon de les répartir dans le mélange pour avoir une résistance homogène. Mm-hmm. Et donc l'objectif là, contrairement à Sherbrooke, c'est pas de faciliter la prise du béton haute performance, mais bien de remplacer partiellement les fibres de verre par des fibres de lin. Et à Sherbrooke, si les fibres se détériorent à long terme, c'est pas vraiment important parce que c'est vraiment la prise, ils travaillent vraiment sur l'étape de durcissement du béton. Mais une fois que le béton est pris, les fibres n'ont plus vraiment de rôle à jouer, donc c'est pas grave. Mais en Normandie, eux, ils sont vraiment inquiets de savoir ce que va devenir la fibre de lin une fois qu'elle est dans le béton, puisqu'elle remplace une partie des fibres conventionnelles de fibres de verre. Donc, ils devaient trouver la bonne recette pour que ces fibres perdurent dans le temps, qu'elles ne se dégradent pas. Et finalement, ils sont parvenus à faire des blocs de béton préfabriqués. Et eux aussi s'apprêtent maintenant à passer en phase de projet pilote. Alors, finalement, est-ce qu'ils ont pu remplacer entièrement les fibres de verre ou de métal par du lin? Mathieu Dufeu me disait qu'il est possible de remplacer jusqu'à 50% des fibres de verre par des fibres de lin. Il ne s'est pas prononcé sur la quantité de fibres de métal qu'il pourrait remplacer. Et ces fibres de lin représentent jusqu'à 0,3% du volume de béton. Bon, c'est les fibres de lin, c'est pas tout le béton, il reste quand même toute l'argile, etc., le ciment, etc. Puis bon, dans leur cas, il n'est pas nécessairement question de faire du béton armé avec, avec du lin, quand même. C'est ça. Mais est-ce que ce béton fibré avec du lin rejette moins de CO2 que le béton avec des fibres de verre? En fait, remplacer le verre par du lin, ça ne change probablement pas grand-chose sur les émissions de CO2 qui proviendraient de la fabrication du ciment à elle-même. Le ciment qui a été fabriqué, il va avoir encore relargué sa tonne de CO2. Mais par contre, la fabrication des fibres de verre et surtout leur approvisionnement génère potentiellement plus de CO2 que la fabrication des fibres de lin, parce que le lin est une ressource locale produite en Normandie, alors que la fibre de verre, figure-toi que ça vient du Japon ou de Chine. Donc c'est transporté. Voilà, donc bon, en plus c'est tout un procédé de fabrication et il y a le transport. Et c'est là un peu l'ironie de l'histoire, parce que la fibre de verre vient du Japon ou de Chine, La Chine n'achète plus de fibres de lin à la France, et puis la France est en train de développer un béton avec des fibres de lin pour remplacer la fibre de verre par la poudre, par la fibre de lin. Donc finalement, serait amenée elle-même à acheter moins de fibres de verre à la Chine. Donc il y a comme une petite revanche commerciale qui pourrait s'inscrire dans quelques années, mais d'ici là, quand même, le CMEG et ses partenaires ont encore pas mal de chemin à faire quand même pour mettre ce béton fibré de lin sur le marché. Quand même. Alors, à une certaine époque, on faisait de la recherche pour incorporer de l'amiante dans le ciment, mais à cause de sa toxicité, ben, il n'y a pas eu de suite. Ouais. Aujourd'hui, les recherches se poursuivent avec le lin, mais peut-être qu'un jour, d'autres types de fibres végétales disponibles en abondance pourront être utilisées pour faire du ciment ou encore d'autres matériaux. Ben, ça se fait avec du chanvre également. On fait du béton avec du chanvre. Ah, ça, c'est bien aussi. Alors, après tout, le lin a fait aussi son apparition dans les tableaux de bord des voitures. Ouais. Alors, pourquoi pas dans le bâtiment? Dans le bâtiment, effectivement. Ouais. Alors, merci beaucoup, Valérie. Ça m'a fait plaisir.